dois le dire. Monsieur Gérard Hernandez. Nous allons applaudir qui, mais qui est qui? Monsieur Georges Belair. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Je vais demander à Philippe de demander à Philippe s'il préfère le paquet ou les échanges qui vont venir. Commençons les échanges. Commençons les échanges. Alors vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous êtes anxieux. Alors moi je vais vous rappeler ce que vous avez déjà dans les échanges. Vous avez 60 000 brosoufs de slip le master. Vous avez 300 000 brosoufs de gris toupin. Zep qui grille même la quéquette, même la quéquette. Moi je vous rajoute, monsieur, allez, 50 000 brosoufs de couche auto-reverse. Le paquet les échanges. Le paquet les échanges. Le paquet. Une fois, deux fois, trois fois, le paquet les échanges. Le paquet. Formidable, voilà un candidat courageux. Il aurait pu choisir les échanges. Ben non, il a choisi le paquet. J'ai toujours rêvé d'avoir un gros paquet. Voilà, il est de ma couleur préférée en plus. Merci Pernus 2, oui. Merci Canal Plus. Le haricot fait péter? Je dis non. C'est le haricot digéré qui fait péter. Nuance. Bonsoir, vous le savez, cette émission, c'est la dernière de notre série de l'été. Et nous avons voulu en faire une illustration assez éclatante, je crois, de l'ambiance qui règne depuis 6 ans sur le plateau de Nulle part ailleurs. C'est une sorte de super zapping des meilleurs moments que nous ayons vécus. Alors si vous le pouvez, essayez de magnétoscoper. Il n'est pas inutile de vous dire que la sélection a été particulièrement difficile parce que la matière première était abondante. Et je ne crois pas me tromper non plus en disant qu'avec ces images, vous serez nombreux, je pense, à avoir envie de nous retrouver en direct et qui plus est, dans une nouvelle formule. Quant à nous, eh bien vous comprendrez après ça qu'on soit vraiment pressé de retourner au travail. À bientôt. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Ouin Ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Rien que le premier jour, c'est dingue tout ce qu'on a appris. L'après-midi, on nous a montré à faire le nœud coulant. Et le soir, sous la tente, le chef de tente nous a montré comment on obtient un nœud qui coule. Gérard Langue de Pute, chroniqueur à bien pensant hebdo. Raoul Bitenbois. Bitenbois Josiane. Ménagère. Vous avez devant vous Renato Saccado, le coiffeur des stars. Je m'appelle Enculator. Ce n'est pas sale. Super gros con, producteur, protecteur des gros cons, Bioman. Ça tira pas au bout. Moi, c'est Aquarium. Tu sais, comme dans la chanson. Aquarium, Aquarium. Je suis Tube. Le Toubib a mis des jeunes sur Foon Radio. Alors cette émission, on va l'arrêter non. Tout de suite. Voilà, regarde, non. Donne-moi ta main. Non. Tes gros doigts dessus. Non. On va appuyer sur le bouton. Non. Et c'est fini. Non. Plein les couilles. Allez, 1, 2, 3. Voilà, messieurs. Et pour montrer que toute l'année, on a eu du mérite à faire cohabiter votre nullité activiste avec la vraie information. Annie Le Brun. Bravo. Annie. Alors maintenant, sérieux comme toute l'année, vous restez là. Le rappel de l'actualité qu'on choisit pas tous les jours. Je peux pas. Il y avait rien de grave. Non, il y a que ça.